Bonjour. Je me présente. Mon nom est Jean-Marc Marino, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai la tâche d'interviewer Daniel Kemp. C'est ma première expérience, alors j'espère que ça va être réussi. Bon, il s'excuse déjà. Bon. Commençons donc par des questions qui pourraient être intéressantes. Avant de passer à celles qui sont écrites, j'en ai au moins une ou deux. Est-ce que l'égoïcité est un phénomène universel? Universel, oui. Super universel, oui. Créationnel, oui. Super créationnel, non. Est-ce que l'anégoïsation est une condition inhérente aussi à toute l'égoïcité universelle? Dans la problématique d'une résorption de l'univers, oui. Quelle est la différence fondamentale à ce moment-là du phénomène humain par rapport à l'autre mécanicité d'anégoïsation dans les autres civilisations ou autres races? C'est similaire, c'est, disons qu'on peut faire des parallèles, c'est la même chose, sauf que dépendant des contraintes, dépendant des problèmes, le cheminement ne sera pas le même. Une personne qui a une vision, disons, qui n'est pas suffisamment cosmique, nécessairement elle verra des nuances qu'elle pourra considérer comme étant majeures. C'est la même chose. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que toute l'écologie du phénomène égoïque humain, le processus d'anégoïsation et de souffrance qui est inhérent à ça, pourquoi est-ce que c'est nécessaire si les autres races ne sont pas appelées à vivre la même mécanicité humaine? T'sais? Bon, quand on parle de d'autres races, il faut faire attention à ce que l'on veut parler. Ce qui arrive, c'est que la majorité, tout ce qui est dans l'univers, la résorption même de l'univers, c'est l'anégoïsation. Quand il n'y a plus d'univers, il n'y a plus d'ego universel. Quand il n'y a plus d'ego universel, il n'y a plus d'univers. Les autres races vont être induites à une anégoïsation qui ne sera pas souffrante comme celle de l'homme, parce que l'homme va être là pour paramétrer leur cheminement. Anégoïser veut dire retourner vers l'arrière, c'est-à-dire passer du temps expansif à l'antitemps régressif. Les autres civilisations qui n'ont pas le même rôle que l'homme, mais qui vont quand même qui ont un rôle dans cet univers créé, qui n'est pas celui de l'homme, vont servir l'homme. Et l'homme va permettre leur anégoïsation, c'est-à-dire, je répète encore, l'anégoïsation créationnelle ou cosmique, universelle, supra-universelle, super-universelle plutôt, c'est la dissolution complète des choses pour les ramener à leur point anti-créationnel. Mais si je fais une analogie entre le fait que moi, j'ai un ego qui, par un processus, d'abord a été la condition nécessaire pour l'émergence d'un phénomène conscient chez moi. Et la négoïsation me conduit à l'expansion du phénomène conscient-là chez moi. Pourquoi est-ce que la création, qui ne pourrait pas être un ego par rapport à la supra-énergie, quand elle s'anégoïse, donc quand elle se résorbe, ne conduit pas à un phénomène hyper-conscient dans face à la supra-énergie, face au phénomène inexistentiel? Je veux dire, pourquoi est-ce que cette mécanicité-là ne s'exprimerait pas jusqu'au phénomène créationnel, finalement? Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'univers est accidentel. Il n'a pas, ce n'est pas un accident intentionnel. Un accident intentionnel, ce n'est pas un accident. Il est accidentel, il est intentionnel de par l'intérieur, mais il n'est pas intentionnel de par l'extérieur. L'extérieur ne l'a pas voulu, l'intérieur l'a voulu. Faire un parallèle avec les choses planétaires, c'est compliqué parce qu'à l'extérieur de cette création, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. C'est un peu, donc, on va se faire un parallèle, mais qui n'est pas nécessairement vrai. C'est comme si à l'intérieur de rien naît l'intentionnalité d'être quelque chose. Cette intentionnalité-là grossit en créant un paramètre qui la contourne paramètres qui vont être l'extérieur inexistentiel. Et à l'intérieur, il y a l'intérieur existentiel. L'intérieur existentiel étant spatio-temporalisé, de par sa nature créationnelle, a l'ego de créer, d'être. Donc, c'est intentionnel de l'intérieur, ce n'est pas intentionnel de l'extérieur. L'extérieur envoie une chose à l'intérieur de la création, l'homme, ça c'est intentionnel. Cette chose, elle est là pour absorber tout ce qui peut servir de contexte expansif. La seule façon de transmuer l'expansion vers la régression, c'est de rendre l'expansion consciente. Une expansion consciente ne peut pas faire autrement que d'aimer. Une expansion consciente ne peut plus permettre une expansion réelle, parce qu'étant consciente, elle se paramètre elle-même et elle finit par devenir une unité. Étant une unité, elle augmente sa masse, selon les lois mêmes de l'espace-temps, qui a été créactivée. Et elle se résorbe elle-même. Donc, on appelle ça une anégoïsation, c'est-à-dire que l'anégoïsation cosmique ne sera jamais vue du point de vue cosmique. L'anégoïsation cosmique fait partie d'un point de vue extra-cosmique, c'est-à-dire que l'anégoïsation cosmique fait partie du point de vue d'un observateur qui n'existe pas, qui serait en train d'observer dans la région inexistentielle de la supra-énergie le phénomène résorbant de cette création. Du point de vue donc de l'homme, l'anégoïsation existe parce qu'il y a un observateur à l'anégoïsation, le mental. Du point de vue solaire, l'anégoïsation existe parce qu'il y a un observateur galactique de l'anégoïsation solaire. Du point de vue galactique, il y a l'observateur supra, disons, universel, pas suprême, mais disons bien universel, qui va observer. Ça pourrait être la conscience bouddhique, par exemple. Du point de vue supra-universel ou super-universel, il y aura évidemment l'anégoïsation universelle, observée par le contexte divin. Du point de vue créationnel, il y aura encore l'anégoïsation. Toutes les humanités, enfin disons, parlons de races pour être plus précis, toutes les races, tous les phénomènes qui existent dans ces différentes galaxies, sur ces différentes planètes, même sur ces différents soleils, vont vivre une anégoïsation qui ne pourra pas être perceptible par eux-mêmes. Il y a énormément de plans dans cette création qui vivra l'anégoïsation inconsciente. L'anégoïsation inconsciente, c'est ce que l'univers va vivre. La seule chose qui sera consciente de l'anégoïsation inconsciente de l'univers sera l'homme, parce que l'homme provient de sources extérieures à la création. Et cette source extérieure à la création sera observateur de l'anégoïsation de l'univers. Ça devrait répondre. Mais pourquoi est-ce que l'énergie supramentale consciente, là, la hiérarchie supramentale qui a une forme d'égoïcité, n'enclenche-t-elle pas pour elle-même son propre processus d'anégoïsation? Au lieu de rechercher, tu disais qu'à un moment donné, il y a des entités intelligentes qui recherchent le phénomène humain pour pouvoir l'utiliser comme véhicule ascendant. Pourquoi est-ce qu'ils n'induisent pas pour eux-mêmes leur propre processus d'anégoïsation qui, par le fait même, crée un phénomène expansif du phénomène conscient, puis ils prennent l'ascenseur eux aussi. Pourquoi? Bon, c'est exactement ce qu'ils font. Ils s'anégoïsent. S'anégoïsant, ils veulent expandre leur conscience. Expandant leur conscience, quand tu es conscient de tout ce qui est dans le phénomène créationnel, tu peux réellement faire une anégoïsation salvatrice. Enfin, crissante. Christique. Les hiérarchies, voulant expandre leur conscience, doivent nécessairement savoir, et ils le savent d'ailleurs, que leur expansion de conscience va nécessairement vers la matérialisation, vers la matière. L'expansion va vers le bas pour eux autres, je veux dire. Exactement. Donc, l'expansion allant vers le bas, c'est-à-dire que pour être conscient jusqu'au fin fond de cette création, tu dois connaître la matière. Connaissant la matière, tu n'as rien pour te supporter dans ce degré d'anégoïsation, ce qui fait que tu deviens de la matière. Donc, le premier processus de l'anégoïsation est l'égoïsation. Et c'est la merde. Mais pourquoi ne pas faire autrement? Parce que c'est comme ça que ça marche. La loi qui régit le heurt, le chaos dans cet univers crée des possibilités. Et ces possibilités sont ce qu'on appelle les lois. Et ces lois régissent l'évolution descendante ou ascendante des humanités. Et imaginons quand même, là, strictement, moi, c'est un point de vue humain, là, le phénomène d'une galaxie d'une galaxie qui est comprise dans un univers local dans lequel il y a des milliards de galaxies. Et dans un des bras de cette galaxie-là, il y a un système solaire dans lequel il y a une race humaine, tu sais, je veux dire, que dans lequel tu lui décris une saga cosmique remarquable. les autres galaxies qui sont autant d'expressions de focus conscient, tu sais, je veux dire, une forme d'expression de conscience. Voilà. Est-ce qu'eux autres sont simplement en train d'assister à la parade, tu sais, je veux dire, du phénomène humain, puis attendent que, bon, quand ils seront égoïsés, puis qu'ils commenceront à nous fusionner, tu sais, je veux dire, il manque quelque chose, me semble, pour comprendre là, l'interaction de la mécanicité fusionnelle. Non, il ne manque pas quelque chose, tu as trop de choses. L'humain a trop d'amour pour les autres phénomènes. L'humain est instruit à vouloir faire en sorte qu'il y ait une espèce de justice. Dans la justice, il n'y a pas de servitude. Dans la justice, il n'y a pas de choses qui sont là pour permettre à d'autres choses d'être. Dans la justice, il doit y avoir un échange d'énergie équitable, non pas sur des points de vue cosmiques, mais sur des points de vue de l'ego. Si les autres sont là pour que je sois, je dois aussi être là pour qu'ils soient. Je dors bien. Si les autres sont là pour que je sois et quand moi je suis complètement, les autres disparaissent carrément, c'est de la vraie merde, je dors mal. C'est ça que tu as de trop d'amour, trop d'affinité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le reste n'est pas là en spectateur, ils ne savent même pas ce qui se passe. Le reste, ils n'ont même pas de conscience. La majorité n'ont même pas de conscience. Certains ont une conscience d'involution. Mais tu oses dire que dans l'univers local qui comprend des milliards, des milliers en tout cas de galaxies, il n'y a rien. C'est, je veux dire, il n'y a pas de phénomène conscient qui existe dans oui, il y a des phénomènes conscients de leur involution. Mais à ce moment-là, ces phénomènes-là ont une finalité aussi. Tu sais, je pointe qu'au baseball, puis ils attendent que le gros problème là-dedans, c'est que toi, tel que tu es en tant qu'humain, tu n'es absolument pas cosmiquement ce que tu penses être. Nécessairement, si tu ne vois pas la nuance entre ce que tu peux être et ce que tu crois être, tu ne pourras pas non plus comprendre le rôle des autres phénomènes universels dans cette création, pour la simple raison que tu vas les envisager selon un concept philosophique, psychologique, émotif. Et ce concept prendra une envergure plus capitale que ce qu'ils peuvent être ou ce qu'ils sont. Oui, mais moi, ce que je te dis, c'est que toi qui as une perception d'envergure, tu pourrais peut-être développer l'explication de la mécanicité qui se passe. Tu sais, je veux dire, tu as une définition assez simplificatrice du fait de dire, bon, il y a une création qui est un accident, l'homme est la solution à cet accident-là, l'homme qui devient cosmique. Mais toute la game qui se joue avec les autres galaxies qui sont autant de foyers conscients, c'est qui se passe. Tu sais, je veux dire... C'est que toi, présentement, tu souffres pour eux autres. Je souffre pas pour eux autres. C'est strictement une question de... Tu sais, je veux dire, d'appréciation logique. Quand j'étais poigné dans le phénomène religieux catholique, là, qui me disait que Dieu est un être infiniment bon et infiniment aimable, moi, assis sur ma chaise, j'étais avec ma conception limitée du bien et du mal, j'ai dit, je n'engendrerai pas un univers où s'il y a de la merde autant, où il y a autant de souffrance. C'était strictement une appréciation logique face à une explication d'une cosmogonie. Je disais, écoute, c'est intolérable. Puis à un moment donné, j'ai rejeté l'explication conceptuelle de ce monde-là. Quand tu me présentes une explication conceptuelle dans laquelle tu me décris un autre discours de ce que pourrait être la finalité de l'homme, moi, je te dis, écoute, strictement sur le plan d'appréciation là, humaine, ordinaire, il y a quelque chose d'illogique. Tu sais, il y a quelque chose qui m'agace. À ce moment-là, je dis, bon, ben, tes concepts, faisons-les éclater, puis reculons l'explication. Mais je trouve que l'explication est insatisfaisante à mon niveau. Si elle est insatisfaisante à mon niveau, c'est qu'il en manque. Ça fait trois fois que je te réponds quand même. Bien, en tout cas, je ne suis pas satisfait. Non, parce que tu n'écoutes pas suffisamment la réponse. Tu écoutes trop encore l'émotivité. Tu veux avoir une raison aussi radicalement logique que la tienne. Ta présence ici. Tout à l'heure, je t'ai dit, tu n'es pas enregistré, on avait commencé la discussion un peu avant, que il y a des choses qui sont dans un univers, et ces choses-là engendrent d'autres choses. Mm. D'autres choses, d'autres choses, d'autres choses. Tu as une quintessence qui finit par être exprimée de certaines choses, et si la quintessence est le rôle important, le reste ne vaut rien. Et la quintessence qui est l'homme, dans ton cas, va dire, oui, mais moi je suis la quintessence, mais je ne peux pas admettre que le reste vaut rien. Non, le reste a un rôle, te créer. Le reste a un rôle aussi. Ça a le rôle de pouvoir te supporter. Le reste a aussi un rôle, le rôle d'être exécuteur, d'être délégué. Mais il faudra un maître. Le maître, ce n'est pas le rôle. Le reste a aussi un rôle. Le reste, présentement, c'est la même constitution que l'homme. Sauf que l'homme est arrivé en premier. L'homme a été déchu, hein, dans les termes théologiques, le premier. Et le reste, ils sont là à attendre que le sauveur vienne, comme l'homme, identique à l'homme. Les autres continuums d'évolution qui sont soit plus haut, mais en retard sur leur cheminement évolutif, ont une conscience d'involution. Ils savent qu'ils sont en train de s'écraser. Ils savent qu'ils se débilitent. Mais ce savoir de débilitation, eux autres le voient comme étant une conscience d'évolution. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus que c'est cela le but. On a une humanité actuelle qui est convaincue qu'elle sera en pire, qu'elle va vers des apocalypses, que c'est de la vraie merde. En la réalité, elle évolue. Elle a une conscience de destruction parce qu'elle évolue. Les autres plans ont une conscience d'évolution parce qu'ils évoluent. Et c'est d'ailleurs la seule façon de permettre à l'ego de ne pas se prendre trop au sérieux sur le plan planétaire, de penser qu'il se démolit, alors qu'en réalité il se crée. Et ça permet aussi aux autres là-bas de supporter leur condition d'être involutif en pensant qu'ils montent. Est-ce que... Ils ont un rôle. Le rôle qu'ils ont à jouer est un rôle qui permet à... il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre. Étant donné que la création est accidentelle, tout dans la création n'a pas de fonction. Et que ce soit chien pour l'ego de l'homme ou pas, tout n'a pas de fonction. Mais tout va servir. Bon. Tout va servir à quoi? Que ce soit la roche qui ne fait que servir à mettre ton pied dessus, elle est là pour ça. Elle ne servira qu'une fois et qu'une seule fois. Mais il faut comprendre que lorsque l'homme se sort de cette galaxie, il entraîne avec lui tout au complet. Autrement dit, tout dans la matière. Alors on parle de soleil, de galaxies, de myriades d'étoiles et de planètes, on parle donc de matière. À quoi sert la matière? Les autres humanités, ils servent à quoi? Ils servent à la même chose que l'homme sert de base. Ils ne servent qu'à contenir de l'énergie. Ça sert juste à contenir de l'énergie. Les soleils contiennent de l'énergie, les planètes contiennent de l'énergie, les fleurs contiennent de l'énergie. Tout ce que nous avons sur le plan planétaire ne sert qu'à contenir de l'énergie. Tout ton corps a été habilité à manger certaines plantes pour pouvoir piquer leur énergie. Ça peut se nourrir. Transformer en énergie motrice, neuronique. Bon. Tout dans cette création, tout ce qui est matière, conserve de l'énergie. Ce ne sont que des réceptacles. Alors, il y a effectivement d'autres phénomènes humanoïdes dans cette création. Le rôle est de conserver de l'énergie, comme le corps de l'homme est de conserver de l'énergie. Est-ce que le phénomène émotionnel est uniquement lié au phénomène humain? Oui. Donc, on est les seuls à pouvoir vivre le phénomène de la souffrance égoïque liée au phénomène astral émotionnel. Oui. Est-ce que c'est une des conditions qui crée la spécificité humaine, le fait que l'émergence égoïque part de ce niveau vibratoire-là de l'astralité? Exact. Continue, lâche pas. Il y a un autre aspect aussi de la question qui t'a déjà mentionné, qui est toujours dans cette ligne-là, c'est le fait que, tu en as fait allusion dans la première conférence, le fait qu'on ait sept centres, puis qu'il y ait par analogie aussi sept galaxies qui ont une... six autres galaxies qui ont une interaction occulte avec la nôtre. Donc, on peut considérer que la race humaine, vue d'un angle global, est un focus d'énergie, c'est qui s'exprime dans l'univers local, puis qui polarise. Arrête deux secondes. La race humaine, il y a sept galaxies, dont la nôtre. Donc, six autres galaxies. Oui. La race humaine, elle a la faculté, elle, de pouvoir vivre sur des plans de conscience différents. Évidemment, elle n'est pas encore en contact avec la septième, la sixième et la cinquième galaxie. Elle y approche. On est la cinquième galaxie. Non. Ouais. On est dans le cinquième jour. On n'est pas le nombre de galaxies n'a rien à voir. À partir de l'homme, l'homme serait la première galaxie, les autres seraient les six autres galaxies. Bon, au niveau cosmique, on est un numéro quelconque. Okay. Mais au niveau de l'homme, là, c'est ça qui est le plus important, on s'en fout. Il faut comprendre que l'homme est en relation avec sa première galaxie, la sienne, le contexte matériel. L'homme est en relation aussi dans nos phénomènes évolutifs, de façon occulte, avec la deuxième galaxie, c'est-à-dire avec une contingence d'évolution qui permet la révélation de la conscience matérielle dans le contexte de l'homme, le corps vital. Le corps vital existe sur le plan planétaire, il existe sur le plan solaire, il existe sur le plan des galaxies. Sauf que il y a des galaxies qui vivent dont l'emplacement des soleils, la condition expérientielle à l'intérieur de tout ça engendre une forme d'évolution qui malléabilise certaines formes d'énergie à l'intérieur même de cette galaxie-là, ce qui engendre une correspondance vitale qui permet à certains phénomènes d'avoir une conscience de la mécanicité de cette galaxie-là. Cette galaxie-là est là qu'une seule fonction occulte au niveau du champ cosmique, c'est de pouvoir permettre la conscience d'elle-même quelque part dans l'univers. Ce quelque part dans l'univers doit être centralisé dans un corps qui peut entrer en contact par un transport séraphique, donc vital, entre ce phénomène galactique extérieur à notre système à nous et nous-mêmes. Cela nous permet d'avoir une conscience vitale de certains phénomènes. Autrement dit, lorsque l'être humain arrive à considérer une énergie vitale circulant sur son corps physique, c'est qu'il a une conscience qui fait partie de cette galaxie qui lui permet de pouvoir contenir dans l'expérience la circulation d'énergie vitale sur son corps. Au niveau de l'homme, pour que l'homme puisse prendre conscience d'un phénomène amique sans être totalement démoli, perturbé dans l'échelle des consciences planétaires, au niveau de notre planète, il entre en correspondance séraphique, donc vibratoire encore une fois, avec une autre expérientiation d'un phénomène exprimé dans notre univers, donc une troisième galaxie, qui elle vit une contingence d'orientation. C'est un peu comme si on a des atomes placés d'une certaine façon, cela engendre le verre, d'une autre façon cela engendre l'acier, d'une autre façon cela engendre le cristal, mais ce sont les mêmes atomes. Ces galaxies ont donc une structure orchestrée, une onde de formes particulières, qui leur permet de vivre une forme d'expérience particulière qui engendre le phénomène astral chez l'homme, c'est-à-dire qui engendre non pas le phénomène astral, mais qui peut permettre par le contact chakrique entre l'homme et ce phénomène, qui vaut par transport séraphique, c'est-à-dire que les chakras sont reliés à c'est de l'énergie vitale. L'expérience ici de cette galaxie peut engendrer le phénomène de la conscience émotive chez l'homme. L'expérientiation émotive sera vécue dans le plan planétaire, et pour que l'homme puisse arriver à le conscientiser sans être assujetti sur le plan planétaire, autrement dit, pour que l'homme puisse arriver à être observateur de sa propre condition expérientielle émotive, il ne peut pas faire partie de l'expérience émotive de sa propre planète. L'adolescent ne voit pas qu'il est adolescent, il doit être adulte pour comprendre l'adolescence. L'adolescence, c'est ce qu'est un enfant, ce que l'enfant ne peut pas savoir. La conscience astrale de l'homme, elle va être bâtie, c'est-à-dire qu'elle va être gérée au niveau de l'infrastructure de la conscience dans une autre galaxie. Au niveau mental, on a le même phénomène. L'homme qui expérimente le phénomène mental sur le plan planétaire ne peut être conscient de sa conscience mentale que si elle est projetée d'une extériorisation de son contexte, une autre galaxie. Alors, lorsque l'on parle de cette galaxie, au niveau des chakras, il y a une correspondance, effectivement, une correspondance qui est sur les plans de l'occulte, c'est-à-dire qui n'est pas connue et qui n'est pas enseignée, qui permet à l'homme d'avoir différents phénomènes de conscience. Cela permet à l'homme, premièrement, d'être pluricosmique, c'est-à-dire que l'homme est relié à ses phénomènes de conscience au niveau des sept galaxies, parce que la sienne, il aurait pu être dans une huitième galaxie et ne jamais connaître sa galaxie, mais connaître celle-ci et les six autres. La voie lactée en est une. C'est l'homme et le seul dans cette création qui a la faculté de se relier par transport séraphique à différents phénomènes galactiques de façon à avoir la conscience de vie de ces phénomènes galactiques. C'est un peu comme si, dans une radio, il y a de l'électricité. Mais l'électricité ne provient pas de la radio. Elle provient d'une batterie ou encore d'un secteur, Hydro-Québec. L'électricité dans la radio engendre la conscience de la radio. Mais la conscience de la radio ne provient pas de la radio. C'est-à-dire que la conscience de la radio est la conscience de la radio, mais elle est animée par une source extérieure qui n'a pas conscience de la radio. L'être humain a une conscience qui est consciente de rien, mais qui peut maintenant être consciente de quelque chose. Et ça, cela va être lié dans le culte à différentes formes de galaxies, qui l'homme, par transport séraphique, entre en conscience, en contact avec ce genre de choses, et il va appuyer l'expérience planétaire, la structure à l'intérieur de cette conscience galactique, pour pouvoir en arriver à avoir une conscience de la conscience émotive qu'il a. Même émotivement, tu peux être conscient de l'émotion. Parce que ce qui est conscient, ce qui structure la conscience, ne provient pas de l'émotion planétaire. Ce qui est structuré dans la conscience est de l'émotion planétaire. Ces galaxies, en correspondance, sont reliées à l'occulte à l'homme par créer ce genre de choses, créer ce genre de phénomènes, et l'homme est, de cette façon, galactiquement réparti dans la création. Ce qui le rend beaucoup plus difficile d'accès, beaucoup plus difficile à retrouver par les hiérarchies. Et c'est ce qui donne toujours l'impression phénoménale chez l'homme qu'il est quelque chose d'autre que de la merde. Il y a aussi un autre phénomène qui vient s'enclencher, c'est qu'il y aura évidemment une fusion. Lorsqu'il y aura fusion entre les différents plans de l'homme et le contact supramental, ce n'est pas le contexte matériel, le contact supramental, c'est, on parle de ces différentes galaxies. Nous sommes la cinquième galaxie, c'est-à-dire que nous abordons présentement la découverte du cinquième chakra, c'est-à-dire la découverte du centre laryngé. La parole. La parole est reliée au phénomène supramental qui, par l'ajusteur de pensée, arrive à ajuster la parole qui ajuste la pensée. Nous sommes dans la cinquième galaxie en ce sens que, présentement, nous sommes dans une évolution où le phénomène de conscience de la cinquième galaxie est en évolution chez l'homme, c'est-à-dire que l'expérience de cette cinquième galaxie, l'expérience événementielle de ce phénomène galactique ne peut être absorbée par l'homme qu'à la condition qu'il y ait une correspondance suffisamment solide chez lui, le système neuronique entre autres et le système laryngé, de façon à pouvoir permettre l'expression. Permettant l'expression, il orchestre la possibilité d'engendrer une expression plus vibratoire, c'est-à-dire plus vitale. Donc, il est en train de créer le phénomène du transport séraphique entre sa condition éthérique planétaire, l'énergie supramentale planétaire, le plan vital, qui crée le transport séraphique, et la consistance d'une galaxie. Il se trouve que l'homme, présentement, est placé dans la galaxie qui est la conscience supramentale de l'homme. C'est donc la conscience de notre voie lactée. Mais ça aurait pu être autre chose, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de pourquoi, c'est comme ça. Présentement, cette cinquième galaxie dont tout à l'heure tu faisais référence, la voie lactée, qui est donc la cinquième galaxie, par rapport aux différents plans de conscience de l'humain, est en train de vibrer de façon à ce que l'humain puisse l'expérimenter sur la planète. C'est-à-dire que l'homme vit encore sa condition planétaire, mais il ne peut pas orchestrer son expérience d'une façon supramentale parce qu'il n'a pas encore chez lui la trame pour pouvoir orchestrer l'expérience. Il a la trame pour orchestrer le physique, conscience physique. Il a la trame pour orchestrer le vital, conscience vitale. Il a la trame pour orchestrer le plan émotif, conscience émotive. Il a la trame pour orchestrer le phénomène mental, conscience mentale. On est en train de développer un contact séraphique entre la galaxie, c'est-à-dire la mémoire vide de ce que c'est que la conscience galactique, et il reste maintenant à mettre les éléments humains dessus. Et pourquoi est-ce que toute cette mécanicité-là a besoin d'un support chimio-biologique pour trouver son point focal d'intégration? Tu sais, je veux dire, la race humaine, là, c'est un processus chimio. La conscience galactique est capable, sans corps physique ou sans phénomène chimio-électrique ou chimio-biologique, d'avoir une conscience de la matière, parce que par le biais du plan astral, il y a suffisamment d'expérience dans la matière. Le problème, c'est que seules les choses matérielles créent de l'événement neuf. Ah. Je reste répond. Mais si seules les choses matérielles créent de l'événement neuf, est-ce qu'on n'est pas plongé en plein mythe de Sisyphe, à savoir que c'est simplement un ego qui caléidoscopie sur lui-même une expérience, l'expérience humaine étant une forme particulière d'expression de la conscience? Mais quand cette expression-là aura été exprimée, la création survit sur elle-même et elle exprime une autre potentialité. Tu sais, je veux dire, il y aurait une non-finalité, tu sais, ça serait infini le processus créationnel, tu sais, plutôt oui. que finalitaire, comme tu dis. C'est que vu sur le plan même, disons, de l'homme actuel, ça peut paraître, et ça l'a toujours paru, quelque chose de cyclique, où tu répètes inlassablement les mêmes processus. Mm. Vu qu'il y a une intentionnalité qui échappe à la conscience mentale, astrale, vitale et physique de l'homme, il ne peut pas voir ou entrevoir le phénomène réel de cette finalité. La finalité émotivement intuitivée va être une finalité religieuse, c'est-à-dire une finalité où tu vas gagner le nirvana, t'asseoir à la droite du Père ou enfin quelque chose dans le genre. Bon, Bouddha voyait la cessation du processus réincarnationnel, les Égyptiens ont vu le même genre de choses, etc. Bon. Du point de vue de l'âme, on veut une finalité, mais on ne peut pas l'englober. C'est que pour englober la finalité, tu dois englober les univers, les super-univers et la création complète. Tu ne peux pas envisager la finalité sans englober cela. En englobant cela, tu ne peux pas non plus comprendre ou admettre logiquement, d'une façon, disons, mentale, que tout ce phénomène étant déjà existentiel, ne peut pas un jour être inexistentiel. Donc, dans ce phénomène, qui se répète sans cesse, un plan mental suffisamment énergisé ne peut pas refuser d'admettre une finalité. Du point de vue émotif, de par le fait que c'est la mémoire expérientielle qui semble créer les mêmes choses et que l'humain n'a aucune mémoire de sa création, donc il croit que cela fait partie d'un cercle, il marche dans le cercle. Et à son insu, le cercle change. Alors, à un moment donné, on a envisagé l'idée que tu tournes en rond, mais tu changes d'octave. Mais ici, est-ce qu'il y a une infinité d'octaves? Et pour avoir une infinité d'octaves, même s'il y aurait une infinité d'octaves, tu dois quand même comprendre que l'octave est limitée de par le fait qu'elle est une octave. Il y a une infinité dans un sens, pas dans tous les sens. Donc, en partant, les choses finies existent. Alors, il n'en demeure à l'homme que de passer, au lieu de suivre quelque chose qui apparemment est sans limite, de passer par la limite. Mais même à travers cela, plus l'être humain va se conscientiser, plus l'être humain va évoluer, plus l'être humain va entrer en contact avec cette conscience supramentale, plus l'être humain va être capable d'envisager des finalités, parce qu'il sera, il ne verra pas nécessairement la finalité de cette création. Ça ne sera pas donné à tous les hommes en contact de voir la finalité de la création. Par contre, il pourra voir la finalité de certains processus qu'il croyait infinis. Il expérimentera donc, au point de vue de ses égaux, le fait que les choses infinies dans un point de vue sont très finies dans un autre point de vue. Mais évidemment, chaque chose en son temps. Mais si on regarde le phénomène du plan cosmique toujours par rapport aux sept galaxies qui sont quand ils vont entrer en point focal d'expression, les sept en résonance, qui va créer l'homme cosmique, est-ce qu'il va y avoir autre chose qu'une mécanicité fusionnelle bête et méchante, ou bien s'il y a un phénomène, expérientiel nouveau qui va être imposé à l'homme, dans l'expansion continue vers la finalisation fusionnelle de la création. Est-ce qu'il va avoir... Ces sept galaxies, est-ce qu'elles sont tous dans les mêmes univers? Voilà. C'est toi qui réponds, c'est pas moi. Oui, mais tu aurais pu répondre. Je suis 50 % d'erreur, je te dis non. Donc, 50 % d'erreur, ça peut être oui. Oui. Il y a sept super-univers. L'humain est relié à une galaxie dans chacun de ces super-univers. Lorsque l'on parle du processus de la fusion des cinq premières galaxies, cela veut dire que nous parlons d'un processus de fusion de conscience entre cinq super-univers. La fusion totale est accréditée, il y a plusieurs plans de fusion. Il y a la fusion des personnalités réincarnatives qui se fait normalement à l'adolescence, mais étant donné que l'humain a des problèmes de sevrage psychologique, ça se fait tout le long de sa vie. C'est ce que l'on doit arriver à faire à un moment donné au niveau de processus d'autorité mentale. Bon. Lorsque l'humain entre dans une phase fusionnelle au niveau de ses cinq premières galaxies, l'humain arrive à se libérer dans les cinq galaxies au complet des mécanicités qui régissent l'involution dans ses plans. Donc, l'humain rentre ou fait partie.